Grâce à tous les critères, yeux verts, bonne paire, crinière, vous vous trouvez la femme qui vous plaît vraiment. Bien sûr, vous avez essuyé beaucoup de rendez-vous gênants. C'est la femme de votre vie, oui, cette fois vous faites très attention. À la choyer comme il se doit sur tous les soirs de réveillon. Voilà, c'est la fin. Une chanson bonus t'attend en plage 14. Oh oui.